Yo. C'est Castillo. Ok. Scardini, je te vois. Escobar, je te vois. Frère fort. Ok. Rêve fumigène. Yo. Trop de plans partis en couille, trop de rêves partis en couille, trop de frères partis en couille, rêve fumigène. Trop de keufs me cassent les couilles, trop de meufs me cassent les couilles, trop de gens me cassent les couilles, rêve fumigène. Par terre y'a trop de douilles, trop de frères face à la fouille, et dehors y'a trop d'andouilles, rêve fumigène. Dehors y'a trop d'embrouilles, amène-toi si t'as les couilles, reste chez toi si t'as la trouille. T'as seulement deux choix, tu vis ou tu crèves. Dans l'oubli, tu dors ou tu te lèves. Les frères lèvent le glaive car rares sont les trêves. Oubliant que Martin avait un rêve, yo. J'reste sensé pour mieux penser. Devancer la merde pour avancer. Et même foncer dans le tas, mais l'état garde du mépris envers ma couleur foncée. Rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent. Les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus. Rêve fumigène, j'dors plus parce que la réalité tue. Rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent. Les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus, rêves fumigènes. J'dors plus parce que la réalité tue. Crois-moi, on voit le pire dans le checks. Pas d'ange, mais les vampires dans le checks. Yo, yo, les gens tirent dans le checks. Et pas sûr que tu t'en tires dans le checks. Yo, tous dans cette vallée où nos pères ont prouvé ce qu'ils valaient avant de voir leurs rêves avalés. Yo, leur patrimoine volé dans cette bataille où les rois tuent les vallées. Mais puisse-t-on atteindre la richesse d'un chèque? C'est bien parti pour un échec. Et je pense pessimiste, car une fausse pessimiste à couleur de paix sinistre. Depuis que la terre mère n'a plus d'appui, père et mère ont laissé leurs rêves au fond d'un puits. Tout ce qui se passe est réel, comme la haine entre Palestine et Israël. Yo, rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent. Les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus, rêve fumigène. J'dors plus parce que la réalité tue. Rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent, les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus, rêves fumigènes. J'dors plus parce que la réalité tue. Je rêve d'être un leader, 17 kilos d'or. J'gratte les murs comme un videur, à croire que j'vis dehors. 50 briques sans coup de brolique, en chien j'pule brolique. J'tape l'électronique et la chronique, j'rêve de péter le score. Mon dieu, que les miens soient bien, qu'on se tire tous d'ici. Est une star derrière mes stores. Il faut que des barges amassent, jet privé aux Bahamas. Est-ce qu'on parle à basse? Finis cette vie de Barabbas. Foutu morceau, la merde m'entoure comme un cerceau. J'ai perdu le sourire depuis le berceau. Percé par le chant des sirènes, la pression que la dure réalité de la vie ne cesse d'exercer. C'est l'underground qui t'a pêché pour survivre d'audi. Qui vaut mieux régner en enfer, servir au paradis. Éveillé, c'est le cauchemar, je vois mes rêves désossés. C'est par la force que je vais m'exaucer. Yeah, rêve fumigène, yeah. Rêve fumigène, yeah. Des dizaines et des centaines, yeah. Qui nous gênent. Toujours frère fort, Escobar pour la mise en scène. Rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent. Les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus, rêve fumigène. J'dors plus parce que la réalité tue. Rêve fumigène, les mêmes rêves qui nous gênent. Les mêmes rêves dans les gènes. Les gros forcés nos destins, tous têtus, rêve fumigène. J'dors plus parce que la réalité tue.